Le marquis professait une haine vigoureuse pour les Lumières. Ce sont les idées, disait-il, qui ont perdu l'Italie. Il ne savait trop comment concilier cette sainte horreur de l'instruction avec le désir de voir son fils Fabrice perfectionner l'éducation si brillamment commencée chez les jésuites. Pour courir le moins de risques possible, il chargea le bon abbé Blanes, curé de Grianta, de faire continuer à Fabrice ses études en latin. Il eut fallu que le curé lui-même sût cette langue. Or, elle était l'objet de ses mépris. Ses connaissances en ce genre se bornaient à réciter par cœur les prières de son missel, dont il pouvait rendre à peu près le sens à ses ouailles. Mais ce curé n'en était pas moins fort respecté et même redouté dans le canton. Le fait est que l'abbé Blanes, personnage d'une honnêteté et d'une vertu primitive, et de plus homme d'esprit, passait toutes les nuits au haut de son clocher. Il était fou d'astrologie. Les paysans redoutaient l'abbé Blanes comme un grand magicien. Le marquis del Dongo le méprisait tout simplement parce qu'il raisonnait trop pour un homme de si bas étage. Fabrice l'adorait. Pour lui plaire, il passait quelquefois des soirées entières à faire des additions ou des multiplications énormes. Puis, il montait au clocher. C'était une grande faveur et que l'abbé Blanes n'avait jamais accordée à personne. Mais il aimait cet enfant pour sa naïveté. « Si tu ne deviens pas un hypocrite, lui disait-il, peut-être tu seras un homme. » Le marquis sentait qu'un accident arrivé à sa correspondance chiffrée pouvait le mettre à la merci de sa sœur. Aussi, tous les ans, à l'époque de la Sainte Angela, fête de la comtesse Pietranera, Fabrice obtenait la permission d'aller passer 8 jours à Milan. Il vivait toute l'année dans l'espérance ou le regret de ces 8 jours. Pendant les 13 années, de 1800 à 1813, le marquis crut constamment et fermement que Napoléon serait renversé avant 6 mois. Qu'on juge de son ravissement quand, au commencement de 1813, il apprit les désastres de la Bérézina. La prise de Paris et la chute de Napoléon faillirent lui faire perdre la tête. Il se permit alors les propos les plus outrageants envers sa femme et sa sœur. Enfin, après 14 années d'attente, il eut cette joie inexprimable de voir les troupes autrichiennes rentrer dans Milan.